Il est 9h-3. Le 7-9 sur France Inter. Voici donc, comme chaque vendredi, François Morel. Isabelle, bonjour. Pensez-vous que je n'ai pas compris votre petit manège? Je ne suis pas né de la dernière pluie. Depuis plusieurs semaines, le bruit courait dans les couloirs de France Inter que la reine Margot, Adèle H, Camille Claudel, Agnès, la dame aux camélias et tant d'autres seraient l'invité de Patrick Cohen. Je m'étonnais. Adjani, vous êtes sûr? Elle fréquente peu les médias. Elle ne se montre qu'exceptionnellement. Elle apparaît, disparaît. Cette femme est une éclipse, un mystère. Si, je te jure, Adjani vient au 7-9, on a eu la confirmation, elle va annuler. Non, je te promets, elle tient absolument à venir. D'ailleurs, elle vient ce vendredi. J'étais stupéfait. Chaque jour, depuis une quinzaine, montait l'inquiétude de Patrick Cohen. Récemment, il profitait de ma venue dans la maison ronde pour mal paguer. François, toi qui es dans le showbiz, toi qui connais tout le monde, toi dont le charisme et la renommée sont immenses, toi qui te meus dans l'univers du spectacle avec l'agilité du lapin, l'adresse du singe, l'intelligence du renard, la suave élégance du grand fauve. Aide-moi, je t'en supplie. Ce sont mes mots, exactement. Interroger Brice Hortefeux ou Jacques Attali, pour moi, c'est trop facile. C'est de la petite bière, je m'en balais les doigts dans le nez, de la rigolade, mais questionner Adjani. Comment être à la hauteur? Comment ne pas la décevoir? Aide-moi, François, je t'en supplie. Fais-moi profiter de ton intelligence, de ton expérience, de tes lumières. Mais Patrick, voyons, ressaisis-toi, crayon de nom. Sois un homme, sacré bon Dieu, mais tu sais que tu me fait honte à sangloter comme ça bêtement devant tout le monde. Fige à Patrick, dont le désespoir intérieurement réussissait à me secouer. Patrick, ne t'inquiète pas, lui fige, tandis que je posais ma main sur son épaule anxieuse tout en lui tendant un Kleenex. Va, Patrick, sèche tes larmes et écoute bien ce que je vais te dire. Ton interview n'est qu'un prétexte. Oui, Isabelle, car j'ai parfaitement compris votre stratagème. Si vous avez accepté de vous lever de bon matin alors qu'hier soir vous êtes couché tard après la représentation, c'était pour ne pas passer à côté de la chance de pouvoir me rencontrer. Isabelle, je ne suis pas l'étoile inaccessible que l'on prétend. C'eût été tellement plus simple d'appeler mon agent Françoise Lax, agence Parallax, rue de l'Ambre, filature, adultère et divorce, recherche de chèque, carrière d'acteur en devenir, afin de lui réclamer mon 06. Isabelle, pourquoi chez vous cette timidité, cette appréhension? Je ne sais pas ce qu'on vous a raconté sur moi, mais je vous promets que je suis resté quelqu'un de parfaitement abordable. Oh, certes, j'ai mon caractère, j'ai mon tempérament, je peux avoir mes caprices, bien sûr, j'ai mes failles et des blessures aussi, des fêlures, des secrets, des zones d'ombre, mais au fond de moi est un cœur qui bat. Je sais bien que souvent l'attaché de presse qui s'arrange toujours pour me précéder prévient tous ceux qui pourraient me croiser. Surtout, ne lui parlez pas de son âge. Morel commence à se déplumer, il le vit mal. Évitez de lui parler de sa rivalité avec François Rollin, qu'il jalouse atrocement à cause d'une amourette d'il y a 30 ans. Parlez-lui uniquement de sa rentrée à partir du 28 janvier au Théâtre du Rond-Point pour son spectacle La fin du monde et pour dimanche. L'attaché de presse cherche à me protéger. Qui pourrait l'en blâmer? Mais Isabelle, écoutez-moi et croyez-moi. Je suis un homme comme les autres. François Morel, Isabelle Adjani, ça vous amuse quand on joue avec votre image publique? Est-ce que ça peut susciter, comme vient de le faire François Morel? Ah oui, j'aime cet humour-là, oui, bien sûr, évidemment. De toute façon, je suis la première à me tourner en autodérision. Donc, il n'y a pas. Je suis imbattable. Merci infiniment Isabelle Adjani d'être venue ce matin au micro de France Inter et dans 10 minutes, Boomerang. Bonjour Augustin Trapenard.